Villeneuve-la-Garenne, les immeubles à galère. 92 390 94460 Valenton, Pologne, sous négue. C'est comme ça que je fais les choses, bébé. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Check-moi. Je rugis comme un lion, mais je suis discret comme la panthère. Mon père, il avait pas tort. Tu perds, tu vois les bâtards. Je dors pas la nuit, j'ai peur de mourir dans mon sommeil. Trop de sacrifices, arrête de jalouser mon oseille. Et puis même avec tout ça, c'est même pas assez. J'ai deux mamans et mon grand-père qui rêvent de s'arracher. Et sur mon chemin, j'en ai frappé des manches, Pierre. C'est pour toute la ville de Bagneux qu'a fait des venges, Pierre. C'est pour Nono et Loulou. Tu fumes, tu dis oulala. Inch'Allah, dans pas longtemps, on part à Honolulu. Y'a des MS au placard, je fais que de penser à lui. Des fois, ça me fait déprimer, je me déchire à la weed. Rien n'est tout rose, rien n'est tout noir. Pour étudier, il faut le vouloir. Pour étudier, il faut le vouloir. Mais moi, je vis gravé dans les couloirs. Flingue à l'unisson, je suis là pour mettre des punitions. Y'a les meurs, les munitions, du crack en ébullition. DM, c'était pas là quand j'étais seul dans la demeure. Que j'avais des envies de meurtre. Un pétard et je redémarre. Crame le shit et j'ai le mort parce que les soucis y'en a marre. C'est tard la nuit que je retrouve les poteaux du square. Ils sont carrés comme moi, ils sont tarés comme moi. Et ils arrêtent pas de me dire, ils peuvent pas rapper comme toi. Quand je pars en couille sous la colère, il faut que je parle avec Dewey. Lui et moi, c'est les Boondocks comme Riley et Huey. Je suis dans ma bulle, alors viens pas me casser la tête. 2020, 10 ans que j'ai pas fait la fête. 10 ans. Je sais pas si t'as capté, le train de vie est triste. T'as l'alcool, t'as la drogue et t'as les filles et le fils. Et j'ai couru derrière le bonheur, mais je sais pas s'il existe. Encore deux doses de crack contre un billet de 10. On m'avait demandé un couplet, mais j'en ai kické 6. Ils veulent fumer sur ma peufra, finis épileptique. Je suis pas méchant, mais je peux faire un truc méchant. Parce que je suis devenu méfiant à force d'être déçu par les gens. Et je sais même pas si ma mère pardonne la séquestration. Il était là devant moi à me demander pardon. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que j'ai fumé? Qu'est-ce que j'ai bu? Villeneuve-la-Garenne, gros, c'est pas Disneyland. On a rafalé avant de faire des signes de gang. Le général c'est moi, j'ai toujours tempéré les guerres. J'ai pêché jusqu'à la mort, on a enterré des frères. Sonia tu me manques et Ulysse aussi. J'ai l'impression que la mort nous a pris pour cible. Mais je reste debout et je veux vous rendre fiers. Je vais arrêter de vivre comme un gangster. Arrêter de vendre du hash. Y'a d'autres manières de prendre du cash. Et moi je me suis pris pour Franck Lucas. Mais c'est pas ça la vie, on n'est pas dans un film. Mon pote s'est cru malin, il a fini infirme. Je parle avec Tupac en bas de la cité. Il m'a dit tu me ressembles, t'es excité. Pourquoi tu te calmes pas? Je lui ai dit je m'en bats les couilles, je nique tout. Moi je veux que des scalpas. Mais la prison c'est relou, et il faudra pas aller. Hein? Ta meuf te trompe et tu deviens parano. Et il faut pas critiquer mes fréquentations. Je pense à mon frère James qui est derrière les barreaux. J'ai vu des trucs à Best Bar qui peuvent se traumatiser. Des types en détresse qui font des traumatisants. Rien que ça plus grave dans la rue devant la banaliser. Quelques peines de plaques, alhamdoulilah on est vivant. Hey, tu fais pas peur parce que t'es stockman. Y'a de quoi te refroidir dans le stockman. Et j'ai toujours marché seul comme Jean-Jacques Goldman. Des arnaqueurs et des dealers dans mon portable. J'ai déjà niqué des gros balèzes. Dans ma tête, souvent la cave, moi je suis trop à l'aise. Y'a pas meilleur que moi pour se mettre dans de beaux draps. Je souris, mais je suis fait comme un rat. 2006, je me fais courser par la Xara. Devant l'OPJ, le regard froid comme Sub-Zero. Je mettais les gants, j'allais voler avec Scala. Je vendais la beuh, je vendais le shit, je vendais de l'héro. Je vendais ma beuh au bobo et au rasta. Dans Paris Nord, nous on cherchait le Zeyo. On s'en fout. Je vais rendre fier ma mère. Ma reine. Retourner vers ma terre. La vie ne m'a pas gâté, j'ai dû voler tes gâteaux. Le Père Noël il passe chez toi, mais moi j'ai pas eu de cadeau. Alors comprends que j'ai la haine parce que t'étais mieux que moi. Ce que t'as fait en un coup, moi je l'ai fait deux fois. Du pilon dans la pochette et je pique une bière au paquet. Les rappeurs c'est des mauviettes, tu cachais dans les maquis. Des vendeurs à la sauvette, des dealers dans les parkings. On est tous devenus mauvais parce que des frères sont partis. Et ça fout la haine, c'est pour ça qu'on fout la merde. Toute l'année sous-amené, j'ai pas toute ma tête. J'ai vendu des tasses, j'ai dormi en cash. Aujourd'hui ça fout la rage, les keufs connaissent mon blast. Jacky t'es bad boy, qui s'en bat les couilles, qui a mis des douilles et qui est agité par l'alcool. Y'avait du pilon dans ma fouille, et bah ouais c'est pas de bol. J'avais tiré dans les pieds, il dansait comme Carlton. C'est moi qui compte le fric, c'est moi qui trompe le risque. Et c'est moi qui commande Jeffrey, appelle-moi oncle Phil. Les balances sont à bannir, et après l'heure c'est plus l'heure. J'étais un renard de Paris, j'suis devenu le prince de PLR. Je sais pas dire je t'aime, mais je fais bien l'amour. Ouais. Des pétards, j'en fume plein par jour. J'ai une nouvelle collection pour des flingues à tour. Et même des produits exotiques qui viennent de Singapour. Le millimètre c'est 9, la conso c'est 12. Et je suis complètement foncedé, mais la drogue est douce. J'ai mis mon réveil à 11h43. Si tu me dois des lovés gros, il vaut mieux pas qu'on se voit. Et pour ce qui est des femmes, j'ai le droit d'en avoir 4. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais vas-y, mets un cut. Et j'ai tout lâché pour le son parce que j'étais cap. La vie de ma mère, que je suis trop chaud, vas-y, remets un cut. Je t'ai blessé, tu m'as blessé, et maintenant on est quitte. Moi je veux voir le modèle, pas combien ça coûte. Et je me sentais un peu mieux quand j'ai fumé du shit. Quand j'ai vidé la bière jusqu'à la dernière goutte. Ouais, j'ai perdu beaucoup de gens, mais c'est passé, c'est bon. J'ai relevé la tête, j'ai pas pété les plombs. Merde. Pas toi qui fais les interviews, pas toi qui fais les sons. Les commentaires c'est pour ma gueule, alors filez mes sous. Merde. Viens pécho chez le renard, c'est que tu fais maison. Et je porterai mes couilles jusqu'à mon dernier sou. Et je suis méchant et violent dans ma frénésie. Et je retourne pas ma veste même si j'ai fait des sous. Merde. Coup de pied dans la tête, patate dans la mâchoire. Fais pas les gros poissons, on va te sectionner les nageoires. C'est nous qu'on fait la loi. Bah les couilles, tu roules en Ferrari. 3 millions d'écho et tu nous verras rire. Y'a eu les coups de couteau, les coups de feu, les coups de pute, les coups de jus. Tageur dans les côtes, Gwen, je vais te casser les couilles. Mais là faut que tu remettes un cut. Business de cannabis, ça fait des mois qu'ils enquêtent. Je faisais du basket et du foot, moi j'étais dust. Je suis parti en couille quand j'ai fumé du dush. Ça ralentit l'esprit, ça donne la flemme. Ça peut calmer la haine, ça fait bang, y'a plus de vie. Je suis pas sorti baraqué, mais j'ai eu la baraka. Espèce de bataradé, moi je suis pas dans la mara. Non, je suis loin de tout ça, fils de pute. Que je vise le but. Bah oui, hein. Ça fait longtemps, ma gueule. Longtemps, longtemps, bah. Que je fais des trous dans la feuille. Bang, bang, arnaqueur, bang. Dealer, braqueur et proxénète. Moi, je suis sorti de tout ça. Voilà, trop c'est dead. Je suis pas une pute, mais je travaille avec ma bouche. Je suis trop méfiant, c'est ma mère qui fait la bouffe. Regarde-moi bien, je suis parano, je te mets une baffe. Ouais. Je suis pas d'humeur, et puis y'a l'autre qui me doit du vif. Toujours sous. Sincère quand tu m'entends dans tes baffes. Trop de choses à dire, mais y'a plus d'instru, allez, c'est bref. C'est mon bébé, c'est comme mon jumeau. Non, ma mère, tu me mens jamais. C'est pas sorcier, ouais, c'est comme Jamie. C'est comme ça que je fais les choses. Kissy, YW.